J'les capote le Fiat RR600. La mise fait de l'effet. J'suis pété, champagne à les bulles qui montent. Dans Pierre Aignan, j'me sens million. Avec toi, qu'est-ce que j'me sens bien. Côte d'Azur, elle a les yeux azur. Aston Martin, oh oui. Oh oui. Que j'me la fiesta. Que j'me la fiesta. Oh oui. Carlo, prends la suite la plus haute. Me jette à l'eau. Oh oui, j'viens de garer la vago. J'vois ton bateau. Oh oui, Monaco, Monte Carlo. Prends la suite la plus haute. Me jette à l'eau. Havana, ma chérie, se met du monoï. Des UV sur mes solaires. La journée coûte un salaire, je peux te le dire. On se couche tard, vie sur le port. Tirinard après le sport. Je déconnecte, je fais plus d'efforts. Jolie russe, me fait des appels de phare. Côte d'Azur, elle a les yeux azur. Aston Martin, oh oui. Oh oui. Que je vais la fiesta. Que je vais la fiesta.